Cartographie des mémoires, Agaris. Tu te trouves en face de l'ancien hôpital des pèlerins. Alors maintenant, on va aller à gauche et remonter la rue pour retourner vers le centre du village. Quand je suis allée en Uruguay, parler la langue de mes parents m'était impossible. J'étais bloquée et immédiatement submergée par l'émotion. C'était comme si celle que j'aurais été si je n'avais pas quitté l'Uruguay venait me hanter. À la maison pourtant, avec Rosalie, aucun problème. Tout comme il existe une géographie des lieux, et il y avait aussi une géographie des langues. À Garis, la plupart des personnes avaient appris le français en entrant à l'école. C'était interdit d'y parler le basque. Moi, je faisais partie des enfants qui prenaient le bus pour aller à l'Icachtola. C'était important pour Rosalie que cette langue revienne dans notre famille. Dans la rue, je passais du français au basque en fonction des portes des maisons que je poussais. À la maison, c'était le français, mais quand Rosalie avait un peu bu ou qu'elle regardait des vieilles photos, c'était l'espagnol. Rosalie redevenait Rosalia. Elle parlait plus vite dans sa langue, et il y avait plus de nuances dans sa voix. Je parlais peu l'espagnol, mais je le comprenais très bien. Et quand nous avions des disputes, nous savions que ça devenait violent quand Rosalie passait à l'espagnol et que je répondais en basque. Un vrai combat de gladiateurs. On va bientôt arriver au garage. Après, on tournera à droite. J'avais passé tout l'été à faire des allers-retours devant le garage en me demandant comment aborder Yon. Je me demandais s'il était réservé parce que j'étais réservé ou si j'étais réservé parce qu'il était réservé. Bref, j'étais perdue et je me posais beaucoup trop de questions. Je sais pas vous, mais j'ai le sentiment que toute ma vie, je me suis toujours posé trop de questions. Bon, heureusement, était arrivé le bal de la foire de Garis et on s'était embrassés. Après, on s'embrassait partout. Contre le mur du garage, près de la rivière, sur le balcon de la maison, dans la rue. Toutes les fins de matinée, il passait me voir à l'auberge où je travaillais et il me souriait comme si j'étais le seul être humain au monde. Une flamme dansait dans mon cœur. Elle y danse toujours. Un jour, je m'étais assise sur le capot d'une des voitures devant le garage et il m'avait tendu quelques marguerites. On s'était donné rendez-vous près de la rivière. Je tenais toujours mes marguerites dans la main quand j'avais sauté de la voiture et vu Rosalie au loin. « Profite de ta jeunesse », m'avait-elle dit. Bon, tu te souviens, en face du garage, il y a le petit chemin. On va le prendre. Il descend un petit peu. Quand j'étais petite, je passais tout l'été dehors. J'explorais les environs. Dans la forêt, je suivais les tapis de mousse qui poussaient sur le versant nord des arbres. Je tirais des flèches, comme Robin des Bois, dont le film avait tourné dans le magnétoscope pendant des journées entières. Je semais des cailloux sur le chemin, comme dans un conte de fées. Ce village, pour moi, c'était l'endroit des découvertes autant que des cachettes. Moi qui aimais parfois me rendre invisible, tout en restant à portée de voix de Rosalie.